améliorer votre communication de couple. Comment améliorer votre communication de couple? Souhaitez-vous mieux communiquer avec votre partenaire? Lisez tout de suite comment mieux vivre en couple. Donnez-vous toujours la faute à votre partenaire de vos problèmes de communication? Avez-vous l'impression que votre conjoint est le seul responsable de vos problèmes de couple ou partagez-vous tous les deux une partie des responsabilités? Si vous désirez vraiment améliorer votre communication de couple, il ne suffit pas juste de maîtriser quelques fondamentaux de la communication de couple. Il existe un élément manquant que vous devez absolument connaître et utiliser si vous souhaitez changer votre vie de couple maintenant. Aimerez-vous le connaître? Si votre réponse est oui, ne perdez plus de temps et lisez immédiatement le 21e objectif de la communication de couple. Le 21e objectif de la communication de couple. Voici comment améliorer votre communication de couple. Le 21e objectif de la communication de couple consiste à communiquer avec vous-même en identifiant, analysant et modifiant les comportements négatifs pour votre couple et pour votre famille. Au lieu d'exiger un changement de votre partenaire, soyez plus humble et commencez à découvrir ce que vous pouvez faire pour changer ce qui vous appartient. Faire cela aura de plus grandes chances d'améliorer votre communication de couple, car tout dépend de vous. Pour perfectionner efficacement votre communication, vous pouvez procéder par étapes. Premièrement, commencez par remarquer dans votre discours tout ce qui nuit à la qualité de votre communication et qui peut par conséquent impacter négativement votre vie de couple. Puis, focalisez-vous sur les facteurs à garder dans votre communication. Enfin, écrivez une liste de facteurs positifs et négatifs en les classant par ordre d'impact sur votre relation de couple. Deuxièmement, analysez les facteurs les plus positifs pour votre rapport de couple et identifiez ceux à renforcer davantage. Puis réfléchissez à d'autres facteurs positifs pour votre couple et que vous pouvez introduire dans vos communications au quotidien. Enfin, pensez aux facteurs les plus négatifs que vous souhaiteriez effacer de votre communication de couple et pensez à comment ils ont limité jusqu'à présent le développement de votre couple. Pensez à toutes les conséquences que ces facteurs négatifs auront pour vous et pour votre partenaire. Utilisez les émotions que vous éprouvez pour éliminer progressivement ces comportements négatifs de votre communication. En résumé, améliorer votre communication de couple requiert de communiquer constamment, efficacement avec vous-même pour identifier, évaluer et modifier les comportements négatifs de votre communication. Il est également important de renforcer les éléments de votre communication qui sont bénéfiques pour le bon fonctionnement de votre relation de couple. Pour en savoir plus sur comment améliorer votre communication de couple, sur comment communiquer efficacement avec vous-même, écrivez-nous en passant par nos formulaires de contact sur le site international coachingsolution.fr.